Chapitre 6. Le départ pour la France. Tout est prêt sous les doigts des brodeuses agiles, les robes de velours, de soie et de satin, belles de leur couleur pimpante et fragile, sont écloses comme des fleurs dans le matin. On a mis aux chevaux des guirlandes de roses. La cour d'honneur a pris un air d'enchantement. Des poètes joufflus ont récité des proses au nom de la famille et du gouvernement. Voici l'heure des vrais adieux et des tendresses, et du dernier baiser qu'un autre toujours suit. Le roi Florès se sent le cœur plein de détresse, des pleurs tremblent au bord de ses yeux pleins de nuit. Adieu, puisque je suis trop vieux pour vous conduire, ma fille, trop d'hivers ont alourdi mes pas. Mais si dans mon palais l'âge m'a su réduire, mes suprêmes conseils ne vous quitteront pas. Ô pauvres, avant tout, ne soyez point amers. Il sied mal au bonheur d'être orgueil et dédain. Soyez fleurs, blanches fleurs, comme était votre mère. Ouvrez votre âme à tous, ainsi qu'un clair au jardin. » Il dit et se détourne, et Berthe, sans penser, sanglote éperdument, sachant qu'il est trop tard. Tout au fond de son cœur, d'heureuse fiancée, s'éplore la tristesse amère du départ. Déjà, pour son passage, on fait ranger la foule. Au galop des chevaux, Berthe va s'éloigner. Cependant, les yeux lourds de pleurs qu'elle refoule, la reine Blanchefleur ne peut se résigner. Elle est là, sans espoir, dont son deuil se soulage, près de Berthe, impuissante à lui quitter la main. « Je t'accompagnerai jusqu'au prochain village, » dit-elle, « je serai plus vaillante, demain. »